Cette planète est déjà rouge sanguin. J'aurais préféré un monde sans gun. Il y a deux sortes d'hommes sur cette terre, ceux qui sont devant le gun et ceux qui sont derrière. Quand le gun tombe les caras, je reste à gare où les quatre vérités coulent comme les flots du Niagara. J'aime la vie, trop facile de me l'enlever. Pour douiller, c'est qu'une gâchette à chatouiller. Je veux tenter le bluff pour parler de mon marmot. Mais qui sait ce qui se trame dans le crâne de nos armées. Alors je ferme ma gueule, espérant que la raison gagne. Si les anges m'attendent, pour lui le maton. Trop tard pour dire, je déconnais devant le gun, ce chien en colère. Il m'aurait à boire plus fort que ses collègues. Le gun sur la tank pour fuir, je déconnecte. Il est compris par tout le club, à chaque fois qu'il clousse, normal pour un polyglotte. Ce petit bijou tue, donc n'a pu être forgé que par l'homme. Y'a qu'à Hollywood que l'erreur dit, faut que parler. Bref, mes frères, quand on est devant lui, le gun est frais. Le croiser, en sortir indemne, c'est frais. Rien de plus flippant que le crachat du métal froid. Devant le gun, n'importe quelle terreur est une proie. Arrière, instrument de la mort, sourire carrié. Guerrier, la vie d'un être n'est pas à parier. Sauf exception, j'ai que de l'amour dans le parier. Crever comme une merde, une balance, une larve. Un palestinien qui a pas de chance. Bien sûr à Dieu je pense, un soupçon de clémence. Aïe, qu'est-ce que fout mon destin sous un doigt. Seul dans l'univers, le zen devant le canon. Aïe, qu'est-ce que je fous devant ce gun. Revoir sa vie dans l'orifice du métal froid. Derrière le gun j'exulte, chope l'œil du tigre, bigre, exhume. La moindre larme enfouie au creux de ton âme. Alléluia, c'est le drame, si détonation il y a, attention. Sous la phalange, mon dragon se fâche, crache ma putain de rage. Converti en poussière de feu, force le respect comme un milliard d'hommes craint Dieu. Derrière le gun, on a le teint si radieux. Le tonnerre en une balle, étouffé par le chrome. Un mur au cœur dur, que tu voudrais au cœur d'homme. Derrière le gun, aucun ordre tu me donnes. Mes idées noires, des bagnards, prêts pour l'évasion. Car avec lui va, tout s'en va, même la raison. J'habite la terre et le diable est ma maison. Le proprio s'y fait rare comme une cinquième saison. Alors le mal reste constant, un soupçon d'inconscience quand ces films nous tuent les neurones à la machette. Derrière l'arme de la haine, j'effleure la gâchette. Voleur d'âme, je sais que si je l'achète, l'enfer m'achète. Cash clip, bam, mais j'ai plus qu'à m'arracher. Derrière le gun. J'appelle la mort à ma guise, moi personne m'amadoue. À chaque balle, c'est l'enfer que je colonise. On ne m'écrase pas, on me craint. Je parle et c'est mon gun que l'on croit. Mon power est indiscutable. Y'a pas berné mon fer. Souvent la haine est derrière et ta vie vaut qu'une balle. Ciblé, même Bill Gates comprend qu'il a le même sang qu'un putain de squatter cachant. Comprennent ça? Derrière, cette planète est déjà rouge sanguin. J'aurais préféré un monde sans cœur. Y'a deux sortes d'hommes sur cette terre. Ceux qui sont devant le gun et ceux qui sont derrière. FD Trafic.